soudain. Attendez, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, pour une pâté de maison, comme un vieux livre, et c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce lundi 27 janvier 2025. Bienvenue dans ce programme des mots, des sons sensibles, premier de cette semaine qui va avoir pour sujet principal eh bien un week-end Palestine, nos voix pour l'espoir qui vont se dérouler ces 1er et 2 février principalement à la Micalaï du Cred Rock et au Méliès Jean Jaurès à Saint-Étienne. À cette occasion, eh bien nous accueillons trois invités, trois organisations. Un premier invité arrivé et installé au micro, il s'agit de Vincent Bassabé. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le 895 de Dio. Vous représentez l'AFPS, l'association oui. France-Palestine Solidarité. C'est ça, oui. Bienvenue à vous. Et puis, eh bien, vous rejoignez. Alors, elles arrivent tout juste le temps de s'installer, mais le temps aussi d'une première pause musicale et on les retrouvera ici en direct. Il s'agit à la fois, eh bien, de l'ensemble Nomade et Sabrina qui est avec nous et qui, eh bien, est principalement à l'organisation de ce week-end ainsi que Jamila pour BDS. Il s'agit de boycott des investissements sanctions et nous allons évoquer à la fois l'actualité chargée, je dirais, en la matière et puis cet événement donc attendu ces 1er et 2 février. Le temps que tout le monde s'installe, nous allons faire une première proposition et pause musicale avec nos découvertes partenariats Ferrarock, comme c'est le cas chaque semaine, vous le savez, double proposition artiste en présentation, découverte diffusion quotidienne sur les antennes de la Ferrarock, notre fédération nationale des radios et musiques actuelles de France. Avec cette semaine, eh bien, un artiste soutenu en autoproduction qui nous vient de Berne. Décidément, pas mal de propositions de ce côté-là en ce début d'année 2025. Il s'agit de Cocon Javel pour l'album « Put all your money into therapy ». Mais je vous propose de nous arrêter sur cette autre proposition-là, la deuxième donc, Walter Astral, qui est un duo formé par Tristan Thomas et Tino Gelli. Alors ce sont un peu deux mondes qui se rencontrent pour cette musique qui est au croisement à la fois de la pop psyché et je dirais l'univers de la techno et de l'acide, et oui. Alors un style hybride qui, pour ce duo, nous propose comme ça diverses influences qui vont de King Gizzard and the Lizard Wizard, Flavien Berger, Altin Goon et bien d'autres encore. Ils avaient été repérés aux Inuits du Printemps de Bourges en 2022. Et puis, ils ont eu l'occasion de se produire un peu partout en France et donc de rencontrer finalement aussi leur véritable public. Une prochaine date parisienne, par exemple, pour ce duo annoncé le 7 juin prochain du côté de Paris. Et puis, c'est un groupe également qui a été soutenu par le FER via le programme Expérience de la deuxième session de sélection dernière. Donc, voilà. Pour ce duo que je vous propose de découvrir, Walter Astral, l'album Eclipse qui est sorti il y a tout juste quelques jours, c'était le 24 janvier dernier chez Abyss Records. C'est le titre C'est exquis que je vous propose de découvrir en ouverture de ce programme. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. aventure étrange qui guérit en quête de sens. Cet exquis zigzag cérébral où j'ose. Et voilà, c'était donc Walter Astral et cet album Eclipse pour ce titre C'est exquis, et ouvrir ainsi ce programme et présenter cet album qui est donc sorti le 24 janvier dernier chez Abyss Records. C'est pour ses propositions, album partenariat découverte toute cette semaine aux côtés donc, comme je le disais, de Cocon Javel. Vous en saurez davantage en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org ou en écoutant bien sûr comme habitude le programme collectif et mutualisé Dig Dig Diggers, qui met en avant ses découvertes et partenariats via interviews réalisées par nos radios membres. Et Dig Dig Diggers, pour cette nouvelle semaine, eh bien, ce sera bien sûr ce vendredi, comme habitude, à 12h, 19h et rediffusion le lundi en matinale dès 8h. Et dans ce programme, vous le savez, nous communiquons aussi les infos que vous nous transmettez. Et c'est le cas avec cette première info et premier communiqué dont je voulais faire part, qui nous provient de l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, qui nous a adressé ce communiqué à l'occasion de ce 27 janvier, qui est la journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste, et qui est aussi la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Alors, c'est vrai que pour ce plateau aujourd'hui, j'avais aussi adressé l'invitation auprès de l'Union juive pour la paix, ici à Saint-Étienne, que nous aurons l'occasion de retrouver, puisqu'indisponibilité de leur part aujourd'hui, mais qu'on aura l'occasion de retrouver sans doute ultérieurement dans ce même programme d'ici quelques jours à venir. En tout cas, voilà ce communiqué dont je voulais faire part, alors que nous célébrons en effet aujourd'hui les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Communiqué que je cite, la solution finale de la question juive était dictée par les nazis le 20 janvier 1942. Le génocide industrialisé des juifs pourchassés sur tout le continent européen s'exerce en Pologne, occupée, dans des centres de mise à mort. Chełmno, dès décembre 1941, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek et Auschwitz-Birkenau. En raison de sa taille et du nombre de ses victimes, juifs très majoritairement, mais aussi tziganes, polonais opposants, prisonniers de guerre soviétiques, homosexuels, le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau va devenir le symbole du mal absolu. Mais avant l'extermination par gazage, la machine de mort nazie a d'abord expérimenté la destruction des juifs lors de féroces massacres de masse. Dès l'invasion de la Pologne par Hitler, le 1er septembre 1939, le pays devient un véritable laboratoire d'extermination. Les pogroms se multiplient et les tueries s'intensifient. Les juifs sont précipités dans des abîmes ou alignés, nus, autour de fosses que souvent ils ont dû eux-mêmes creuser. Ces massacres de masse, par revolver ou mitrailleuse, sont répertoriés sous l'appellation de Shoah par balle, tandis que les camions à gaz itinérants, les gaswagen, constituent les prémices des centres de mise à mort industriels. mémorielle. C'est la première phase de la Shoah qui compte de très nombreuses victimes du génocide, avant même la mise en œuvre des chambres à gaz. L'Holocauste, c'est l'assassinat systématique, réfléchi, organisé, planifié et industrialisé des populations juives d'Europe qui a fait 6 millions de victimes, enfants et adultes, dont plus d'un million à Auschwitz-Birkenau. Le camp symbole de l'inhumanité d'Auschwitz-Birkenau, à la fois camp de concentration et centre de mise à mort géant, est libéré le 27 janvier 1945 par les troupes soviétiques. Et quelques survivants rencontreront, et ils sont encore une poignée à pouvoir raconter et témoigner aujourd'hui. Alors voilà ce communiqué de l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, créé en 1943 pendant la Résistance pour combattre le nazisme, et qui invite d'ailleurs à participer à de nombreux rassemblements aujourd'hui qui vont avoir lieu en différents lieux et villes en France pour la plus proche. Eh bien, ce sera une commémoration, ou c'est plutôt, ou était même une commémoration, inauguration du monument Les Rails de la Mémoire, qui a eu lieu hier, dimanche 26 janvier, à 10h, à la place Carnot, à Lyon. Voilà pour ce communiqué dont je voulais faire part en ce 27 janvier. En effet, on le rappelle, en France, 76 000 juifs déportés de France, dont plus de 11 000 enfants, 69 000 d'entre eux à Auschwitz donc. Seulement 2 500 sont revenus, soit 3% d'entre eux. Puis ce fut aussi 3 000 résistants déportés à Auschwitz, et 969 seulement sont revenus. Voilà pour ces 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, dont je voulais aussi parler en ouverture de ce programme. Sujet principal dans ce programme des mots des sens sensibles aujourd'hui, ce week-end Palestine qui est organisé ce week-end, c'est 1er et 2 février. Ça va se dérouler en deux lieux principaux, l'Amicale Laïque du Cred Rock et le Méliès Jean Jaurès. À cette occasion, et nos invités viennent enfin de s'installer et de prendre place au micro et en studio, au-delà de Vincent Bassabé pour l'association France-Palestine Solidarité que vous avez retrouvé en toute ouverture de ce programme, Jamila et Sabrina nous ont rejoints. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Sur 895 de Dio, vous représentez respectivement deux autres organisations, Sabrina pour l'ensemble Nomade, qui est tout de même à l'organisation, à l'initiative en tout cas de ce week-end Palestine qui est prévu ce week-end. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots d'introduction, présentation peut-être De l'ensemble Nomade. De l'ensemble Nomade. Oui, alors l'ensemble Nomade, ce n'est pas une organisation qui œuvre comme la FPS ou BDS, dont fait partie Jamila et par ricochet la FPS. C'est une compagnie de théâtre. Nous sommes juste une compagnie de théâtre, mais avec l'envie de rassembler, de lier théâtre et lutte, théâtre et militantisme et réflexion. Voilà, si ça peut répondre. Ce qui est le cas régulièrement, la culture est importante, on le sait, et au travers aussi de tes actions ou de vos actions pour l'ensemble Nomade, compagnie qu'on avait retrouvée par exemple à la rentrée dernière pour une fameuse quinzaine, comme c'est le cas très régulièrement, de façon biennalisée si c'est je ça. Me trompe. Ouais. Donc tous les 2 ans, une quinzaine dédiée à une haute figure à la fois de la culture, mais aussi de la lutte finalement, et c'était le cas autour de Louise Michel. Pour en septembre 2024, quinzaine. Mais peut-être rappelons-nous de la quinzaine Mahmoud Darwish qui a eu lieu en 2022, en septembre 2022, et qui nous occupe un peu plus précisément aujourd'hui. Et oui, et qu'on va donc retrouver aussi au sein de cette programmation dont nous allons parler et décliner ensemble. Merci Sabrina d'être avec nous. Et puis donc, je le disais, à tes côtés ou juste en face ici en studio, Jamila, bonjour. Bonjour. Vous représentez BDS. La campagne BDS. Alors on va expliquer là aussi, Jamila, de quoi il s'agit. C'est le collectif stéphanois de soutien au peuple palestinien, BDS 42, qui signifie boycott, désinvestissement, sanctions. C'est ça. Quelques mots là aussi de présentation sur, alors je ne sais comment il faut le définir, association, organisation, campagne. Collectif, campagne. La campagne BDS, c'est une campagne, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'adhérer, on n'a pas de statut loi 1901, en tout cas à Saint-Étienne. C'est une campagne qui réunit un grand nombre de personnes humaines, des individus et des organisations, des syndicats, des associations, dont l'AFPS qui est à nos côtés. Et cette campagne est née d'un appel des Palestiniens. C'est très, très, très important pour nous de le dire. Ce sont des organisations palestiniennes de la société civile. Elles sont 172 organisations qui nous ont demandé d'agir de la même façon que les peuples soucieux de droits humains sur la planète, de boycotter les produits de l'oppresseur, l'État israélien. Voilà. C'est un appel à une action politique non violente et surtout une action de défense des droits des peuples. Des droits fondamentaux. Et là, on va aussi rentrer dans un peu plus le détail aussi peut-être bien de cette campagne. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à en dire. J'imagine. L'AFPS, Vincent Bazabé, merci également d'être avec nous. Vous rejoignez également donc cette campagne. Vous représentez-vous l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité, antenne locale stéphanoise. Là aussi, quelques mots de présentation de l'AFPS. Oui, l'AFPS est une vieille association stéphanoise, bien enracinée depuis fort longtemps. D'abord, il y avait l'association médicale des franco-palestiniennes, qui après est devenue l'association France-Palestine Solidarité. Depuis, moi personnellement, j'ai connu l'AFPS depuis 2002, quand Yasser Arafat, il était assiégé dans la Moukata. La Moukata, c'est le siège de l'autorité palestinienne, avec 200 Palestiniens du Fatah. C'est à ce moment-là que, grâce à l'intervention d'un groupe de Français, donc, qui étaient des passages à Jérusalem, ils ont réussi à pouvoir sauver, en quelque sorte, Yasser Arafat et ses combattants du Fatah. L'AFPS, aujourd'hui, au niveau national, à peu près plus de 100 groupes locaux qui sont dispatchés dans tous les territoires et qui font une activité d'action, d'information et de solidarité. Nous avons comme thème principal d'aider le peuple palestinien à obtenir ses droits fondamentaux et aussi à réussir la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est quelque chose de très important qu'on oublie parfois de nous dire quand on nous tâche très souvent des antisémites. Et je dirais, à propos de l'antisémitisme et à propos aussi de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau, que c'est très important de garder la mémoire d'Auschwitz. Et c'est très important aussi de rappeler que parmi les victimes de la persécution nazie, nous on a connu dans la région Rhône-Alpes à plusieurs personnes qui sont rescapées de cette persécution, comme Georges Campbell, qui est décédé il y a 2 ans à peu près, que lui, il était parmi les enfants de l'école du Cieux. L'école du Cieux qui avait été raflée par les miliciens et déportée dans le camp de la mort. Nous savons aussi d'autres personnes qui sont rescapées de cette persécution, comme l'ancien président de la FPS, Marcel Franciscan, qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est un ancien professeur de médecine qui avait participé à l'époque de la persécution des Palestiniens en Jordanie, dans les septembre noirs, pour défendre et soigner les prisonniers, enfin les combattants palestiniens. C'est une ponctualisation très importante parce que ça mérite de pouvoir être un peu clair et de ne pas tomber dans les pièces de la désinformation. Oui, ça c'est une chose très compliquée et on l'observe de façon, je dirais, quasi continue. Cette désinformation ou ces informations bien souvent incomplètes, détournées. Biaisées. Biaisées, absolument. Donc c'est effectivement un exercice qui est absolument nécessaire, mais qui est aussi parfois complexe et délicat. Alors, vous existez depuis combien de temps pour l'antenne stéphanoise existe depuis combien de temps ici à Saint-Étienne ? Moi, je peux dire de ma part, alors, je me suis adressé à cette antenne en 2002. En 2002. Et déjà, ça existait depuis un an ou deux. Moi, j'ai connu l'AMFP, Association Médicale voilà. Franco-Palestinienne. J'ai rencontré cette association à la fin des années 70. Elle existait déjà. Il y avait une antenne assez importante à Saint-Étienne qui était très active. Et ensemble, j'ai fait partie du mouvement anti-apartheid et ensemble, on dénonçait et l'apartheid en Afrique du Sud et le sionisme en Israël. Les mots, le vocabulaire était le même et la lutte était tout à fait sur les mêmes rails. Et lutte continue, et ce depuis des décennies maintenant. Et pour BDS, l'antenne et cette campagne existent depuis... Alors là aussi, on n'a pas plus détaillé finalement de quelle manière elle s'organise finalement aussi sur l'ensemble du territoire. Mais depuis quand est-elle en place ici, par exemple localement à Saint-Étienne ? Alors je vais d'abord dire qu'elle existe au niveau international depuis 2005. En amont, il y avait ce qu'on appelle le PACBI, donc c'est un appel au boycott culturel et universitaire qui avait dû être en place 2 ans ou 3 ans auparavant. Et les associations, la société civile palestinienne en Palestine a lancé cette campagne en 2005. Donc la France, en France, les citoyens ont suivi. Et nous allons fêter à Saint-Étienne, au printemps prochain, les 10 ans et demi de BDS. Donc si à un moment ou un autre, on peut aussi en faire part à ce micro-là, ça sera volontiers. Donc ça fait 10 ans et demi que la campagne a été lancée, essentiellement à partir des bombardements absolument épouvantables qui sont passés pendant l'été 2014 à Gaza. Alors, question peut-être plus intime et personnelle, qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint finalement ces à la fois campagnes, associations Bah, je continue puisque oui, j'avais la parole Jamila, juste maintenant. Je vais dévoiler un peu l'âge que je peux avoir. J'ai été très militante et très active au mouvement anti-apartheid bien avant la libération de Nelson Mandela. La population en France s'est un peu réveillée avec les campagnes Libérer Mandela, donc qui a été libérée dans les années 90, au début des années 90. J'étais active là-dessus et l'action pour la Palestine était aussi en parallèle évidente, voilà. Et donc c'est la même logique, c'est la même révolte, c'est la même colère qui m'anime, lutter contre les injustices, contre la négation des droits des peuples. Et le racisme, l'antisémitisme aussi fait partie de l'ADN de cette lutte-là. Il faut bien le dire parce que quand on défend le droit des Palestiniens, ici les médias mainstream nous accusent d'antisémitisme. Ça fait partie de ces biais dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est aussi cette révolte contre la négation et la négation des droits et le racisme. Vincent ? Oui. Pour moi, les mots, c'est l'injustice. La justice, justement, tout le monde se pose la question pourquoi la cause palestinienne, elle est répandue dans le monde entier. Et c'est justement pour ces mots-là. Parce que c'est vraiment l'annihilation de l'existence du peuple palestinien. Il faut dire qu'en France, nous sommes très mal informés de la situation. Et on est très mal informés. Et en plus, il faut dire aussi que parfois, on donne la parole à des menteurs et des comme Netanyahou, le gouvernement et les porte-parole de l'armée israélienne, qui se promènent dans tous les médias français pour répandre très souvent des mensonges. Et ces mensonges ont été impunément exprimées sans que les journalistes en face soient capables de les contredire. Et nous, justement, notre rôle, depuis, pas simplement le 7 octobre, parce que le problème palestinien n'a pas commencé le 7 octobre, nous sommes justement pour informer de la situation qui vivent les peuples palestiniens. Et on ne se rend pas compte aujourd'hui en France quel est le degré d'intolérance des situations de dangerosité qui vivent les Palestiniens. Tous les jours, et pas simplement par des occasions. Je vais parler tout à l'heure du génocide colonial qu'ils sont en train d'entreprendre à Jenin, avec le cessez-le-feu de Gaza, provisoire. Mais il faut dire aussi que tous les jours, les Palestiniens sont sujets à des humiliations, sont sujets à des détentions arbitraires. Je vais dire pour les détentions arbitraires que parmi les 90 Palestiniens qui ont été libérés la 12e fois, il y en a plus de 200 Palestiniens qui ont été arrêtés. Et ça, c'est quelque chose que les médias français ne nous le disent pas. Et c'est important, justement, que notre rôle soit de témoigner et d'informer, parce que toute la vérité qui soit mise à l'opinion, devant l'opinion publique. On va revenir sur d'autres points aussi. Et je voudrais quand même avoir aussi le témoignage de Sabrina, aussi de quelle façon toi, là, en organisant un week-end dédié, aussi tu t'investis et t'engages sur cette question qui n'est pas nouvelle aussi, puisque tu l'as dit, une quinzaine d'arouiges il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans. Oui, alors juste quand même pour dire, tout le monde l'aura compris, que Mahmoud Arouij était un auteur palestinien, une des grandes plumes de la littérature et de la poésie. Et pour revenir à ta question, Lionel, ben moi, c'est la rencontre avec les gens. Et là, à cette table, moi, l'intelligence émotionnelle de Vincent quand il parle de tout ça, l'intelligence solide de Jamila, tout ça, depuis de nombreuses années maintenant, m'aide à me construire intellectuellement, politiquement, et les mots auxquels j'ai pu avoir accès, les mots des poètes, des autrices, des auteurs, les questions et cette idée de l'injustice qui est implacable, cette question implacable de comment traiter de l'injustice, comment défier nos a priori quand on ne sait pas, quand on reste en état d'apprenante pour ma part, comment aller au-delà de nos représentations. Le théâtre m'a aidée et les rencontres comme celles que je fais encore aujourd'hui m'aident à me questionner, à tenter de proposer des initiatives comme aujourd'hui le week-end Palestine. Très bien. Est-ce que justement on pourrait écouter Mahmoud Darwish, pourquoi pas, Sabrina, on peut Allez. Commencer après ces premiers temps là, un petit peu de présentation un peu générique. Pourquoi pas faire une petite proposition justement poétique. Eh ben, avec grand plaisir. Alors je sais que Jamila est venue avec un texte de Mahmoud Darwish qu'elle aime profondément. Je suis aussi venue avec un texte de Darwish qui mêle un petit peu toute la question de lutte contre l'antisémitisme et la question palestinienne. C'est un texte qui s'appelle « Les oiseaux meurent en Galilée », la rencontre de Mahmoud Darwish et de Rita. Nous nous retrouverons sous peu, dans un an ou deux et une génération. Puis elle jeta, pêle-mêle, dans son appareil photographique, 20 jardins, les oiseaux de Galilée, et s'en alla par-delà les mers chercher un nouveau sens à la vérité. Ma patrie est une corde à linge pour les mouchoirs du sang versés à tout instant. Et je me suis allongée sur la plage, sable et palmier. Elle n'en sait rien. Rita, nous t'avons, la mort et moi, divulgué le secret de la joie flétrie aux portes des douanes. Nous nous sommes, la mort et moi, renouvelés sur ton front premier et à ta fenêtre. La mort et moi, deux visages. Pourquoi t'échappes-tu à présent du mien? Pourquoi? Pourquoi fuis-tu ce qui fait du blé les cils de la terre, du volcan un autre visage du jasmin? Pourquoi fuis-tu? Seul, son silence me fatiguait la nuit, lorsqu'il s'allongeait devant ma porte, telle la rue, le vieux quartier. Que ta volonté soit faite, Rita. Que le silence soit hache. Bordure d'étoiles ou climat propice à l'enfantement de l'arbre, je savoure le baiser sur le fil des lames. Viens, adhérons au massacre. Comme des feuilles superflues, les essaims d'oiseaux sont tombés dans les puits du temps. Et moi, je repêche les ailes bleues, Rita. Je suis la pierre tombale de la sépulture qui grandit, Rita. Je suis celui dans la chair duquel les moissons creusent, la figure d'une patrie. Merci Sabrina, Mahmoud Darwish, qu'on va retrouver aussi en programmation sous différentes formes ce week-end de ces 1er et 2 février. Et puis d'autres encore à retrouver durant encore ce programme, pour venir ponctuer ce programme et cette discussion croisée. Alors juste, oui Jamila. J'ai envie de dire, pour parler de Mahmoud Darwish, il a quitté cette terre, il est toujours avec nous, mais il a quitté cette terre en 2008, la même année que Aimé Césaire, l'auteur du discours sur le colonialisme. Ils sont frères sur cette question-là, sur la lutte contre toutes les formes de colonialisme. Merci de ces précisions. Alors, cette année 2025 débute par cette trêve. On est là dans sa deuxième semaine, trêve entre Israël et le Hamas. Une première phase d'accord de cessez-le-feu qui doit durer environ 6 semaines et permettre la libération d'otages. Vous me corrigez si là aussi les informations sont erronées, mais me semble-t-il 33 otages d'un côté, 1900 prisonniers palestiniens de l'autre, et puis une deuxième phase ensuite à négocier encore pour la libération des derniers otages, la reconstruction de Gaza, qui est une vaste et grande question, la restitution des corps des otages morts en captivité également, tout cela est à définir, et on sait ce cessez-le-feu, cette trêve si fragile. Ça, c'est pour ce début d'année, mais on l'entend encore, et les déclarations de ce week-end notamment, vous l'avez entendu, j'imagine, tout comme moi, celle de ce nouveau président américain, pour exemple, qui entend faire le ménage et qui entend déplacer les populations, et notamment les Gazaouis, vers l'Égypte et la Jordanie voisine, et qui rejoint complètement aussi la position, je dirais, droite extrême israélienne. Tout cela au terme d'une année importante, 2024, et ce depuis le 7 octobre 2023, certes, comme vous le rappeliez Vincent, mais qui n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Et cette année 2024 a été très intense, aussi ici, et je dirais de par les campagnes et organisations que vous représentez, parce qu'il y a eu de multiples, justement, tant d'informations, de rassemblements, de conférences, des formations également qui sont menées, des discussions, différents temps importants, un festival même, je rajouterais, on se souvient de ce festival Pastèque il y a quasi un an de cela, Palestinian Synthé Cinéma, qui a eu lieu en mars 2024. En tout cas, les actions ont vraiment été multiples et qui continuent d'ailleurs. Vincent, vous êtes là pour le rappeler, avec la FPS qui va appeler ou appelle même un rassemblement le 31 janvier prochain. Il y aura encore une conférence dont je reparlerai aussi, prévue en février, ce week-end-là, bien sûr, de ces 1er et 2 février. Juste peut-être avoir votre... Alors, c'est compliqué, sentiment, c'est complexe, mais depuis fin 2023 et cette année 2024 que l'on vient de vivre. Oui. Il faut faire tout pour préserver le cessez-le-feu. Il faut tout, absolument tout. La population de Gaza, il est aux extrêmes de la survie, et la dévastation est telle qui impose justement que cessez-le-feu puisse continuer, pour au moins que les habitants de Gaza puissent se loger sous des toiles de tente. Parce que là, les immeubles, les maisons, c'était tout dévasté. C'est apocalyptique. Et pour revenir à nouveau ce cessez-le-feu, il est très fragile parce qu'il n'est pas dans l'intérêt aujourd'hui ni de Netanyahou, ni de ces messianiques qu'on appelle d'extrême droite, qui sont des illuminés fanatiques et qui poursuivent justement la colonisation totale de la Palestine et au-delà de la Palestine. Et ça, c'est extrêmement grave. Le monde, il devrait vraiment dire stop. Mais quand on voit, par exemple, Donald Trump qui va dans leur sang, alors c'est à s'inquiéter. C'est à s'inquiéter. Je vais dire quelques mots à propos de la première libération des prisonniers et des otages, comme on dit. Et vais faire souligner en détail. Parmi les prisonniers palestiniens, qu'on pourrait les appeler des otages aussi. Tu peux les appeler des otages. Exactement, parce que c'était des prisonniers administratifs. C'est des prisonniers administratifs qui ne s'étaient pas inculpés, ni pour des faits d'armes, ni pour des faits de violence. Parmi elles, ces prisonniers, il y en avait bien sûr des femmes et des enfants, mais il y avait aussi, pour nous, ce qui, pour nous Français, Khalida Jarrah, qui est députée pour la Palestine en France. Et là, on a vu l'état de déformation de son état physique était vraiment très visible. Elle avait passé 6 mois en incommunication et quand il est sorti, il a dit « c'est la première fois que je parle en être humain ». Et ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas entendu dans nos médias et médias stream, mais pas simplement, parce que dans les jours, les radios publiques, c'est pareil. Il y a une instrumentalisation du discours israélien qui est vraiment scandaleuse. Et il y a autre détail qu'il faut remarquer, que jamais, pratiquement jamais, il n'y a pas d'interlocuteur palestinien pour donner son opinion. Oui, Jamila. Pour reprendre sur cette époque, sur ce moment qu'ils vivent et que nous vivons aussi, et j'insiste sur le fait que nous vivons, puisque la question palestinienne est profondément une question occidentale aussi, européenne, on ne peut que se réjouir d'un cessez-le-feu. C'est d'une évidence, une grande évidence. Simplement, après, la question, c'est quelles seront les forces, quelles seront les influences qui vont s'exprimer sur ce domaine. Et déjà, on interroge M. Trump, on interroge M. Netanyahou. Quelles forces auront les Palestiniens face à ces bulldozers à la fois économiques, politiques et idéologiques? Donc, il y a tout lieu de s'inquiéter pour la suite. Donc forcément, arrêter d'envoyer des bombes sur un peuple, c'est une bonne nouvelle, mais le chantier à Gaza, qui va s'en occuper, et quels seront les intérêts, quelles seront les dents longues qui vont investir sur cet espace, sur lequel louchent déjà depuis longtemps les Israéliens suprémacistes qui tiennent le discours que Gaza fait partie de leur terre, leur appartient, c'est leur propriété, sachant qu'un certain nombre de gens ont déjà tiré des plans, j'allais dire sur la comète, non, sur la bande de Gaza, pour construire et pour agrandir le territoire israélien. Donc il va y avoir des batailles sanglantes et hypocrites sur cet aspect-là, quoi, de reconstruction. Le gros capital, pour dire des gros mots, va s'investir aussi dans ce débat. Donc il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Et j'insiste sur le fait que si, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, pourquoi vous vous intéressez à la Palestine, c'est que la Palestine, comme le disait Rima Hassan, c'est une question européenne, c'est une question occidentale. Si le conflit israélo-palestinien, comme le disent les occidentaux, ce qui n'est pas un conflit, hein, c'est une guerre coloniale, c'est une guerre coloniale. Donc il faut vraiment appeler un chat un chat. Et si c'est une guerre coloniale, c'est que c'est l'Occident qui colonise le Proche-Orient. Donc, ces enjeux-là sont toujours présents. Donc, après le cessez-le-feu, qu'en sera-t-il des forces présentes qui vont agir sur le territoire, sur les territoires. Voilà. Nous défendons l'idée, nous, BDS, et la campagne, qui, enfin toutes les associations et organisations qui sont à l'intérieur, dont l'UJFP, hein, l'Union des Juifs pour la Paix, l'idée d'un pays qui existe de la mer au Jourdain. Il ne s'agit pas de jeter les Israéliens, les Juifs, à la mer. Il s'agit de construire un État où tout le monde pourrait vivre en ayant les mêmes droits, avec la même liberté de circuler, avec la même liberté de s'exprimer, et où les réfugiés palestiniens qui sont sur toute la planète et entre autres bien sûr en Jordanie, au Liban, etc., dans les camps de réfugiés, puissent revenir. C'est une revendication centrale de la lutte des Palestiniens que nous soutenons à BDS, c'est le retour des réfugiés. Oui, ça fait un parti d'un des points centraux. C'est un point central de la campagne BDS. Alors, la question de la solution politique, elle est complexe aussi. Là, c'est une trêve, certes, je dirais militaire, mais la question de la complicité internationale que tu évoquais aussi, Jamila, elle est aussi au centre des points que vous dénoncez au sein de la campagne BDS. Mais c'est là où c'est compliqué parce qu'on a l'impression d'une grande impuissance, finalement, à tout niveau. Les complicités sont là, on le voit au niveau de l'Europe, Grande-Bretagne, États-Unis. On a même vu là, parce qu'on parle de génocide, alors c'est aussi très sensible aujourd'hui, en ce 27 janvier, mais selon Amnesty International France, enfin, il y a eu plusieurs rapports de comités de l'ONU qui ont bel et bien établi que les méthodes employées par Israël correspondent à un génocide. Et d'ailleurs, les instances qui font autorité en la matière, que ce soit le Tribunal pénal international, la Cour pénale internationale, ont mis sous mandat d'arrêt Netanyahou et même son ministre de la Défense ou des Armées, Yoav Gallant, me semble-t-il. C'est ça. Donc on voit qu'il y a des tentatives, mais une grande impuissance et finalement sans solution possible. Alors que depuis des décennies, il y a eu ces tentatives de réconciliation, en tout cas de solution, d'accord de paix, avec des choses posées. Alors sur quoi s'appuyer aujourd'hui ? Pour répondre pour BDS, et c'est l'ADN de BDS, c'est la mobilisation. Je vais utiliser un mot qui parfois me dérange un peu, la mobilisation citoyenne des peuples. Parce qu'on sait très bien que les États, il y en a très très peu qui se sont mobilisés pour le respect du droit des Palestiniens. Il ne s'agit pas d'être pro-palestinien, c'est un terme qui n'est pas toujours défendable. Il s'agit d'être pro-droit, c'est-à-dire pro-justice. Il s'agit de lutter pour la justice. Très peu d'États se sont mobilisés, ou en tout cas se sont exprimés sur cette question-là, mais énormément de peuples sur toute la planète, de la Suède à l'Afrique du Sud, en passant par l'Amérique du Sud et l'Australie, à des mouvements très en colère qui expriment et qui ont adhéré aussi à l'idée d'un boycott. Et en fait, la chose qui peut jouer, c'est effectivement cette mobilisation citoyenne, parce qu'elle peut marcher. Elle peut marcher. Le boycott économique, le boycott culturel peut avoir une puissance extrême sur ces enjeux-là. Peut-être qu'à un autre moment, je pourrais donner des détails pour laisser la parole aussi à Vincent et, Sabrina, ouais, et à Sabrina. Bien sûr. Ouais. Tu veux dire quelque chose ? Non, tout à l'heure. Oui, pour aller dans le sens de Jamila, il faut dire que c'est très difficile aujourd'hui de parler des projets. Mais c'est vrai que il y a, au niveau de la France, simplement, on peut demander la reconnaissance de l'État palestinien. Ça, c'est déjà un premier pas qui pourrait permettre de faire pression sur Israël. Négocier avec les Israéliens, avec qui ? Les suprémacistes d'extrême droite, ils sont complètement à l'ouest. C'est pas la peine. Et ceux qui ont dit des modérés, ils sont aussi hostiles à toute reconnaissance de l'État palestinien, à toute reconnaissance du peuple palestinien. Et donc, les problèmes sont très importants, sauf qu'on fasse que les États qui ont signé les conventions internationales, qui ont reconnu la Cour pénale internationale, qui ont signé les conventions, respectent les décisions de cette Cour internationale et ils s'appliquent la justice. Alors, on a parlé tout à l'heure de la libération d'Auschwitz. J'ai entendu dire que Netanyahou se propose de participer à cet anniversaire. Ça, c'est vraiment le comble des combles. Quand on sait, il devrait faire une visite d'abord pour Gaza, pour se faire une idée. Et il faut dire aussi que les États membres qui ont signé la reconnaissance de la Cour pénale internationale se trouvent la Pologne, se trouve la France, se trouve l'Angleterre. Les seuls qui ont reconnu appliquer les décisions de la Cour pénale internationale, c'est les Anglais. Et encore, la France, ils se sont fait comprendre que si Netanyahou mettait les pieds, il serait accepté. Et puis, il y a une autre histoire sur la France. Netanyahou, il a affirmé que l'Israël sera présent à Paris dans les salons de l'armement. Ça aussi, malgré tous les efforts qu'on a faits, on avait annulé, c'était la présence d'une puissance génocidaire. Alors, malgré ça, ils ont réussi à l'imposer. Donc, moi, je pense que c'est vrai que la mobilisation internationale, c'est très important. La mobilisation de l'opinion publique, c'est très important. Et la mobilisation est très forte, très forte. On ne nous le dit pas, mais pas plus tard qu'hier, il y avait une mobilisation en Belgique immense. Et là, aux États-Unis, c'est la même chose. Et pour revenir aux États-Unis, je m'arrête là. Si on peut dire que Donald Trump, il a gagné les élections, on peut dire plutôt que c'est Kamala Harris qui les a perdues. Parce qu'il avait perdu 13 millions de voix. Et parmi ces 13 millions de voix, c'est peut-être la cause que Biden a défendue pour soutenir Israël. J'aimerais revenir à un peu rebondir sur ce que dit de façon très très courte Vincent. Il parlait de l'arrivée de Netanyahou pour la commémoration de l'Holocauste. L'UJFP, je me permets de m'en faire un écho, lutte contre l'instrumentalisation, et c'était un mot qui m'est important de prononcer, l'instrumentalisation du génocide des Juifs et des Tziganes et de tous les autres en Occident. C'est là-dessus que Israël s'appuie pour comme terme de chantage sur l'opinion publique. C'est plus jamais ça. Il ne faut pas que nous, les Juifs, nous sommes des victimes et limite, nous sommes les seules victimes. Et ce qu'on est en train de faire, c'est pas un génocide. Voilà. Donc, je crois que c'est ce que le lobby de l'État d'Israël fonctionne beaucoup sur la culpabilité occidentale de cette période de l'histoire, du nazisme. Et ce que défend, c'est ce que dénonce l'UJFP, c'est ça. L'Union juive pour la paix et beaucoup d'autres organisations juives, à savoir par exemple Tzedek. Ils sont nombreux à signer, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on imagine. Hein, c'est à s'aligner contre le CRIF. Ça n'est pas, ce génocide ne se fait pas en notre nom. Nous, les Juifs, nous ne défendons pas ça. Voilà. C'était important. Merci de le signaler. Pour quand même distribuer aussi et répartir la parole, Sabrina, soit réaction, soit proposition à nouveau. Oui, les deux. Une réaction très courte. Moi, je trouve vertigineux l'état du monde dans lequel on est, vertigineux ce qui se passe en Palestine, ce qu'on nous dit, ce qu'on ne nous dit pas, ce que l'on sait, ce que l'on devine, les mots que l'on a pour décrire ce qui s'y passe, est vertigineux parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de miroir effroyable de ce qui nous attend. Bref. Mais pour parler de ça mieux que je ne le fais, je veux bien, si c'est possible, un tout petit texte de Refat Alarir, tiré d'une édition bilingue arabe-français, Que ma mort apporte l'espoir, poème de Gaza. C'est un poète et écrivain née à Gaza en 79. Et voilà ces mots. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une toile et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il est écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Merci Sabrina. Le temps passe très vite. Oui. On va tenter d'avancer sur quelques points. Et notamment, avant de revenir sur la programmation justement de ce week-end, revenir sur peut-être l'actualité vous concernant et de quelle façon se déclinent finalement aussi vos actions. Parce qu'on a très rapidement décrit, pour exemple, la campagne Boycott des investissements en sanctions, qui défend, on l'a entendu, les droits fondamentaux, la fin de l'occupation, la fin du régime de ségrégation raciale, le droit au retour pour les réfugiés, qui sont, je dirais, les piliers de la campagne. Mais concrètement, comment cela se passe-t-il? Puisqu'on a vu un appel, et on a parlé de complicité tout à l'heure internationale, que ce soit des, je dirais, régimes politiques ou des entreprises, et souvent visé au sein de la campagne, bien des enseignes, alors telles ou des marques. Alors, je parle des assurances AXA, je pense à HP, Puma, Carrefour. Oui, okay. Très rapidement, Jamila, comment préciser effectivement la campagne d'action? L'actualité, c'est aujourd'hui les dates du Ramadan. S'approche et toutes les personnes qui vont se retrouver justement à faire le Ramadan doivent entendre que acheter des dates, il faut faire très attention, et un certain nombre de marques de dates qui arrivent sur les marchés, hein, le commerce israélien très agressif, sont à boycotter. Donc pour tout consommateur, faut faire attention, et il n'y a pas. Et pas uniquement quand on est musulman, bien sûr. Les dates qui viennent d'Israël, il faut faire très attention. Elles sont distribuées par une entreprise qui s'appelle Brousse, une entreprise française, franco-israélienne, enfin française, et qui distribue dans tous les magasins, les moyennes surfaces, les grandes surfaces. Donc voilà, la première des cibles actuelles, c'est celle-là. Une autre cible pour les Français, puisqu'il s'agit d'une entreprise française, c'est l'entreprise Carrefour. Ne pas mettre les pieds dans les magasins Carrefour, que ce soit des petites supérettes ou des hypermarchés. Éviter, s'interdire et faire savoir que Carrefour est une entreprise complice de génocide, puisque juste après le 7 octobre, elle se vantait de donner gratuitement de la nourriture aux soldats israéliens qui allaient génocider le peuple palestinien. Je dis très vite aussi, je choisis essentiellement les marques qui correspondent au quotidien des personnes. Teva, c'est une marque de générique pharmaceutique et qu'on retrouve très facilement dans les pharmacies. Teva donc est une entreprise qui fabrique illégalement sur les colonies illégales, sur les colonies palestiniennes, voilà, les territoires palestiniens, des génériques, qui se fait énormément de bénéfices puisqu'elle n'a pas à payer des brevets, il s'agit de génériques, et qui sont largement, c'est 50% du commerce pharmaceutique qui rapporte à Israël. Puma, on a gagné. Puma a annoncé qu'il arrêtait de sponsoriser les équipes de foot israéliennes. Donc le boycott marche et il faut le faire marcher. Ça fonctionne. Là, ça portait sur le fait que la marque supportait ou sponsorisait les équipes de foot israéliennes. Voilà. D'accord. Et puis SodaStream, je parle aux consommateurs, hein. SodaStream qui vend des machines pour fabriquer de l'eau pétillante, a boycotté. On a des alternatives comme MySoda, qui est une marque française et qui rend exactement les mêmes services. Je ne veux pas monopoliser. Oui, oui. Non, mais c'est déjà intéressant d'avoir un peu ciblé comme ça et fait focus sur ce point, même si moi, j'aimerais peut-être à l'avenir qu'on puisse rentrer plus en détail sur cette façon de, d'envisager effectivement le boycott, mais d'en comprendre les tenants aboutissants et les enjeux, parce qu'on imagine que toute société du grand capital, entre guillemets, peuvent être bien complices de beaucoup de choses dont on n'a pas forcément l'information, en effet, et peuvent être peut-être loin d'être irréprochables sur peut-être d'autres points et de comprendre les mécanismes, effectivement. Oui, il y en a beaucoup, et la campagne BDS insiste sur une campagne très ciblée. Il y a énormément d'entreprises qui sont accoquinées avec l'État d'Israël, mais nous avons quelques cibles, une dizaine dans l'actualité, et c'est sur celle-là qu'il faut se concentrer pour être sûr de gagner. Voilà. Merci Jamila. Pour l'association France-Palestine Solidarité, de quelle manière la solidarité justement concrètement aussi s'exprime-t-elle et se décline-t-elle? Mais c'est long à dire, hein. Nous avons une longue histoire aussi avec le boycott, hein, depuis sur la stream jusqu'à maintenant qu'on est en train de faire une campagne contre la BNP qui participe à la collaboration avec Israël, mais il y en a aussi d'autres. On dit par exemple sur des niveaux plus importants l'armement. Il faut pas acheter des armes à Israël parce que ces armes ils sont utilisées sur les Palestiniens. C'est très important. Mais c'est très important aussi de créer une campagne pour demander la fin des accords d'association entre l'Union européenne et Israël. Oui, parce que il faut pas acheter des armes, Vincent, mais il faudrait que la France ne vende pas d'armes non plus. Quoi. Exactement. Mais oui, je veux dire que les réciproques, c'est pareil, parce qu'on n'entend pas parler. Bon, ça c'est à notre niveau, c'est pas notre. Nous nous arrivons pas jusqu'à ce point-là. Et il faut tenir compte aussi que bon. Et moi, pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais dire que nous avons, devant l'agression que l'armée israélienne a développée après avoir décrété le cessez-le-feu à Gaza, c'est la répression qui s'abat sur Jenin et la partie de la Cisjordanie. Nous avons décidé d'appeler à un rassemblement le vendredi 31 janvier à 17h devant l'hôtel de ville. On ne peut pas laisser les peuples palestiniens sans défense. Et nous devons veiller à pouvoir soutenir et condamner les criminels qui font ce génocide colonial. Vincent, juste pour préciser, ça c'est le nouveau front aussi qui s'est ouvert depuis la trêve en Cisjordanie avec l'attaque israélienne du côté du camp de Jenin. Non. J'ai dit tout à l'heure que la question palestinienne n'a pas commencé le 7 octobre. Bien sûr. Avant le 7 octobre, à Jenin, bon, en Cisjordanie particulièrement, il y avait des centaines de morts, interventions des colons et des soldats, parce que là, ça va avec l'autre. Et donc, c'est pas une histoire de 12e front. C'est toujours la même politique d'expulsion, de nettoyage ethnique. Et j'aimerais vous parler, parce qu'on peut pas parler, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et nous aussi, nous essayons d'informer les gens pour que les gens ils puissent avoir les moyens de pouvoir penser par eux-mêmes. Alors, on a proposé à une historienne et anthropologue très reconnue internationalement, Stéphanie Lat Abdallah, de venir faire une conférence à Saint-Étienne le 13 février sur le thème « La toile carcérale ». Il faut tenir compte qu'aujourd'hui, les prisons israéliennes sont des prisons de torture et d'anéantissement. Et nous savons comment, sans parler du Guantanamo israélien, dans lequel ils sont emprisonnés, les prisonniers de Gaza, et particulièrement les responsables de l'hôpital de Gaza Nord, qui est disparu, qu'on ne sait pas où il est, dans quel état il est, et qu'il y a une campagne internationale des médecins pour demander la libération. Donc c'est important de pouvoir assister à cette conférence pour connaître la toile carcérale du gouvernement israélien. Oui, on voulait le rappeler, hein, Vincent l'avait sélectionné, je l'avais sélectionné cette conférence le jeudi 13 février prochain, Stéphanie Lat Abdallah, qui documente depuis des années le conflit israélo-arabe, le morcellement de la société palestinienne et ce système d'incarcération massif qui est le pilier de la colonisation. Ce sera le jeudi 13 février à l'Amicale Laïque Chaplon. 8 rue Victor Duchamp. Et puis donc plus proche, cette manifestation, on le rappelle, le 31 janvier. Le 31 janvier, c'est rassemblement c'est à l'hôtel de ville. C'est les vendredis à l'hôtel de ville. C'est ce vendredi. On fait un rassemblement pour dénoncer les attaques de l'armée et des colonnes israéliennes sur la Cisjordanie. Et puis donc, c'est 1er et 2 février. Et alors Sabrina, on va tenter de, comme ça quand même, de présenter dans les grandes lignes. Non, mais on a tout de même un petit peu de temps, mais de présenter dans les grandes lignes les éléments de programmation de ce week-end Palestine aux voix pour l'espoir. Oui, oui. Oui. Juste avant de dire un peu la programmation, un tout petit mot. À aucun moment, il n'a été question de cibler les campagnes, organisations ou associations qui pouvaient, devaient participer à ce week-end. Les choses, encore une fois, se font quelquefois de manière très maladroite, très artisanale pour ma part. Et donc, il y a des associations qu'on a contactées très tardivement, d'autres pas du tout par manque de contact. Enfin voilà. Mais c'est voilà, c'était simplement pour dire ça. En tout cas, c'était pas une volonté. Tout le monde œuvre à sa manière, avec ses outils, ses forces. Et son temps. Et son temps. Et on a fait là comme on peut, un peu dans l'urgence. Très vite, ça commence le samedi 1er février au Méliès, Jean Jaurès, à 14h, avec la projection de deux films, un entretien signé par Jean Hasselmeyer entre lui et Mahmoud Darwish, un entretien absolument magique. Ah oui, c'est magnifique. Ouais, et un film, oui, c'est vrai que ce film ne traite pas de la question palestinienne, de vie pour l'Algérie et tous les damnés de la terre. Il raconte l'histoire de deux juifs algériens qui ont combattu, se sont battus toute leur vie pour l'indépendance de l'Algérie et aussi tardivement, plus tardivement pour la Palestine, bien sûr. Poignant que ce film. Est-ce que c'est bien celui que j'ai visionné lors de la quinzaine, Louise Michel? Oui, tout à fait. Exactement. Voilà. Toujours réalisé par Jean Hasselmeyer et la co-réalisée, pardon, par Jean Hasselmeyer et Sandrine Malika Charlemagne. Il y aura une exposition par des artistes stéphanois que l'on connaît bien aujourd'hui, Gilliane Ferreira, Stéphane Montmaillet, Kim Gren, spectacle de théâtre, lecture de textes en arabe, en français, stage de dapke avec Abir Ahmad et Oued, une jeune palestinienne, Abir qui est palestinienne et Oued qui est palestinienne de Jérusalem qui accompagnera Abir. Il y a encore des places, donc inscrivez-vous à l'adresse de la compagnie, des rencontres évidemment avec anthropologues, sociologues palestiniens, Zberzber, Sina Safadi, des membres de BDS, Constance, Monira, de l'Union juive pour la paix, bref, donc... Et un repas solidaire. Auquel vous pouvez vous inscrire, toujours vraiment proposé par Terrain des Saveurs, voilà, qui est une asso que maintenant tout le monde peut-être connaît, à Beaubrun, dans le quartier de Beaubrun, et des concerts, parce que, et plus précisément là je rends hommage à Laurence de l'Amicale Laïque du Credrock, qui quand a vu un petit peu cette programmation éclater, a dit un petit moment festif, ce serait chouette quand même. Avec la donc, musique. De la musique, le samedi soir. Tout est à prix libre, sauf les projections prévues au Méliès, où là, les prix sont les prix habituels du Méliès, et les bénéfices du prix libre iront à Education for Gaza, une collecte réalisée par les quartiers sans mail. Vous pouvez avoir des infos sur le net. Et c'est complètement garanti. Ah mais là, sans aucun doute, en tout cas, chacun, chacune a vraiment proposé de s'investir gracieusement. Donc hormis les trajets, tout ce que vous pouvez imaginer de frais inhérents à l'organisation de ce type d'événement, tous les bénéfices iront à cette association. Et tout le monde est bien sûr bienvenu. Voilà, donc on le répète, ça se passe 1er et 2 février, samedi, dimanche. Samedi, 14h, au Méliès, Jean Jaurès. Et ensuite, c'est à l'Amicale Laïque du Credrock. De 17h le samedi jusqu'à 19h le dimanche. On peut dormir là-bas, peut-être. Avec tout ce que tu as pu présenter. Et ce concert, on n'a pas dit le groupe, mais c'est Inasgen quand même qui va jouer. Isnagen. Qui est quand même un groupe de musique berbère et très connu à Saint-Étienne. C'est vrai. Absolument. C'est vrai. Et donc pour cette collecte réalisée par les quartiers sans mail, tous les bénéfices à Education for Gaza. Est-ce qu'il y a juste un petit au-delà de, j'imagine, des tracts et autres qu'on peut retrouver dans les programmes sur la ville, un autre endroit où on pourrait avoir les informations détaillées de cette programmation ? Alors, je suis navrée de vous demander d'aller sur les réseaux... Numéro zéro, au par moins exemple, numéro zéro, voilà. C'est peut-être mieux que les réseaux que je ne citerai c'est pas. C'est très bien, site participatif et collaboratif, le numéro voilà. 0.info. Oui, Vincent. Oui, je tiens à préciser que nous sommes solidaires de cette... deux journées qu'il y a au début de février, mais l'AFP, ce n'était pas en tant qu'organisation, bien absolument. Que nous savons diffuser l'information et nous assisterons à titre individuel. Il faut dire, pour que les choses soient claires, que nous sommes très dispersés à ce moment-là. Il n'y avait que moi aujourd'hui disponible pour pouvoir venir à cette émission. C'est déjà bien. Oui, c'est super. Non, mais, mais parce que je dois le dire, c'est aussi artisanal ici. Et de la même manière que l'indiquait Sabrina tout à l'heure, il y a eu aussi un petit peu confusion de ma part. Je pensais que vous étiez un petit peu co-organisateur de l'événement, mais en fait, pas du tout. En même temps, j'avais aussi sélectionné la conférence du 13 février, le rassemblement du 31 janvier. Cool. Et donc, je voulais inviter aussi les organisations qui, là, sont sur ou à l'initiative d'événements divers. Mmh. Voilà. Mais bien sûr qu'il y en a de multiples. Mais on rappelle que. Bien sûr, l'ouverture reste le maître mot. Merci Vincent de cette présentation. Je ne vous ai pas coupé la parole. Non, non, c'est bien. Très bien. Et puis donc, j'imagine qu'il y aura d'autres événements à venir et dont on aura l'occasion de reparler. Mais en tout cas, voilà, restons sur, bien sûr, ce grand week-end, Nos Voix pour l'Espoir, de ces 1er et 2 février. Et, simplement, et au mois de juin au mois de juin, les 10 ans de BDS, les 10 ans et demi de BDS. Je pense que c'est un des premiers week-ends de juin. C'est le 4, 5 ou 6, 7 juin. On aura l'occasion d'ici là d'en reparler, j'imagine. Et puis d'autres nombreuses conférences aussi, j'imagine. Je voulais quand même l'aborder, ce point de, aussi qui a fait un peu blocage, c'est rien de le dire, puisque des blocus au sein de divers lieux stéphanois. Et je pense à cette dernière conférence de Léopold Lambert qui a eu lieu à l'école d'architecture de Saint-Étienne, qui en fait a été reprogrammée suite à une annulation et une véritable censure de l'école d'art et design. Et on l'a vu là de multiples reprises, il y a certains points de crispation hein, dans plusieurs établissements, pas que localement, hein, on l'a entendu à Sciences Po un peu aussi à Paris et autres. C'est important aussi quand même de le signaler. C'est très très important de signaler la pression des lobbies sionistes. Je dis bien lobby sioniste hein, parce que on arrive à avoir parfois dans certains cercles le terme de lobby juif que je récuse complètement. Il s'agit pas d'antisémitisme. Malgré tout, les lobbies qui soutiennent Israël font une pression énorme, très importante sur tous les médias, sur les universités et même sur les institutions françaises, à savoir sur la préfecture et sur les mairies. Donc c'est ce qui explique les annulations de conférences où on constate que la liberté d'expression en France, elle se fait... n'est pas évidente. Ben, il y a deux poids, deux mesures. Absolument. Mais au-delà de cela, il y a aussi, et je pense à des élèves, par exemple, ou étudiants, étudiantes, qui ont été mobilisés et qui ont été sanctionnés, avec interdit d'accès aux cours, à l'université, aux CROUS, etc. Donc, il y a des sanctions aussi qui se sont appliquées localement dans le cadre de ces mobilisations. À Sciences Po, qui est censée être aussi tout de même l'école qui aborde ces questions politiques, de conscience et de critique. Voilà. Et il y a une dépression énorme. Mais je rejoins ce que disait tout à l'heure Vincent, à savoir que les médias qui présentent la situation au Proche-Orient la présentent toujours sur un mode biaisé, à savoir qu'on parle toujours d'attaque terroriste quand il s'agit du 7 octobre et du Hamas. On ne parle que de riposte israélienne quand il s'agit du massacre et du génocide qui a eu lieu pendant un an presque et demi. Voilà. Donc, c'est complètement biaisé à tous les niveaux. Voilà. Juste sur ce point, justement, pour rester dans les conférences et sanctions qui ont pu avoir lieu ici, je crois qu'il y a eu une assemblée générale auquel vous avez participé. C'était en octobre dernier, il me semble. Sur justement ce point, le fait que la difficulté d'organiser des temps d'information et de conférences... Juste savoir. Je n'y étais pas personnellement. Okay. Il y a eu des prises de parole, effectivement. La BDS était là. Hein. Tu y as assisté, Sabrina. Peut-être tu peux dire juste ton ressenti. Mon ressenti, c'est qu'il est temps urgent de se rassembler et d'arrêter les quelques crispations qui pourraient être liées à des clivages, il y a des prises de position, la manière dont on prend position. Là, c'était un temps justement qui racontait ça, où étudiants, organisations, assos, campagnes, je crois, semblaient dire « Allez, on y va ensemble, et il est temps urgent là, de faire de s'unir. Front commun, quoi. Enfin, ouais, de s'unir, parce que... Ouais, voilà. Merci. Oui, Vincent, pour le mot de la fin. Je tenais à faire un détail très important, pour signifier le génocide des Gaza. Gaza, c'est un petit territoire, une frange de territoire de 40 km de long par 10 km de large. À Gaza, il y en avait 2,3 millions d'habitants, c'est-à-dire que c'était la densité de population la plus importante au monde. Et dans cette densité de population, ils sont jetés plus de bombes que dans toute la guerre en Ukraine. Et des bombes impressionnantes, des bombes de plus d'une tonne qui détruisent tout à 50 km à la ronde. Ça, le docteur Pitti, qui a été plusieurs fois dans les hôpitaux pour intervenir, elle était vraiment impressionnée de la impunité et de la, comment dire, de la haine qui a existé dans l'armée, cette armée, je ne sais pas ce qu'ils ont leur enduit dans la tête pour avoir une telle haine, une telle envie de détruire, exactement. Et un chiffre que j'ai entendu là, cette semaine, on parle de 45 000 morts à Gaza. La revue Lancet, qui est une revue de spécialistes scientifiques, envisage qu'il peut y avoir eu 400 000 morts quand ils ont fait le travail en étudiant toutes les sources possibles de recherche sur justement l'impact de ce massacre. Voilà. On aurait beaucoup de choses à dire. Oui, il y aurait beaucoup de choses. Il va falloir terminer. Je voudrais justement qu'on laisse place à la poésie. Aussi en avant-goût de ce week-end à venir. Et puis une dernière proposition musicale, parce que vous l'avez vu, j'ai voulu aussi laisser place essentiellement à la discussion, donc on n'a pas eu de respiration et de ponctuation musicale. C'était aussi important, je pense, de prendre le temps de la discussion et de l'échange. Et donc je proposerai un dernier morceau en guise de générique de fin. Mais auparavant, peut-être Sabrina... Ah oui, avec grand plaisir. Des mots de Nehama Hassan, écrivaine palestinienne, vivant à Gaza, des extraits de textes d'un recueil traduit par de l'arabe par Souad Labiz, qui elle-même est une merveilleuse poète. 11 octobre 2023. S'initier à l'amour quand passent les avions revient à colorier du papier, attacher une ficelle à une boîte de sucre vide pour faire un nuage. Où va la voix de Fairouz quand les câbles électriques sont sectionnés? Elle allume une allumette pour que la nuit la voie. Les bougies sont restées dans les maisons abandonnées. La terrasse de l'église s'assoit seule. Y a-t-il un passage sûr? Qui connaît les chemins utilise une lanterne. Les adresses du pays sont fixes. Je suis une femme dans une ville insomniaque. Je fume pour que la poussière de la guerre ne me voie pas. Un an après, 11 octobre 2024, un jour, ta survie t'achèvera. Et pour terminer, le 18 octobre 2024, tout le monde applaudit la survie des factions. Personne ne voit le peuple appelant à l'aide depuis le grand bûcher. Ceci n'est pas une guerre, mais un génocide. Quiconque l'approuve par héroïsme et pour résister est un criminel de guerre. Merci Sabrina, de la poésie à retrouver ce week-end. Merci dans le cadre de ce week-end Palestine. Merci à vous. Merci d'être venu et d'avoir pris aussi de ce nous temps. Avoir accueillis. En guise de générique de fin, on va passer à un autre registre. Une proposition musicale avec un groupe que j'avais découvert il y a quelques années de cela. Ils étaient venus dans la région. Il s'agit d'un groupe de rap palestinien qui s'intitule Dandara. Je ne sais pas si vous aviez à l'époque assisté à ce concert Salle Jacques Brel à Terre Noire d'Andara, du rap palestinien, qui est un groupe de jeunes qui a grandi à Silwan, un des quartiers les plus densément peuplés, les plus pauvres de Jérusalem-Est, annexé par Israël à la suite de la guerre de 67. Très menacé. Vous connaissez Vincent. Très menacé, oui. Et très menacé, véritable bunkérisation de l'endroit et du quartier. Et donc, bah voilà, c'était l'occasion simplement de, voilà, de vous reproposer ce, ce groupe composé de 7 chanteurs, chanteuses, avec le titre justement d'Andara, qui ouvre cet album Ojid, que j'ai toujours sous le bras et la main. Merci encore à vous, on termine merci là-dessus. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. On se retrouve demain, même heure, même lieu. Ciao, bye. أجيب المستحيل واصير طبيب أعطيها أعالج المريض وإذا معكاش ولا زعلك علي ببلاش ضيق رعين لو عنده امنيات مثل علاء الدين بطلب واحد بعد احرف فلسطين بالضبط مثل صلاح الدين بطلب اتنين اوصل للشهرة وكلمتي توصل للعالم بسرعة تلاتة تلاتة ما بتهزنا زيدها كمان يا ماري تظبطنا